Bienvenue dans votre cyber-revue de presse, l'autre monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginal, je serai avec vous pour les deux prochaines heures sur les ondes de Choc FM, la radio officielle de l'UQAM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Nous en sommes à l'édition du 28 mai 2012. Alors, cette semaine sur la table, plusieurs sujets d'importance. Alors, on va traiter d'actualité mondiale, sommet de l'OTAN à Chicago, qui s'est passé la semaine passée. En fait, il y a un peu plus d'une semaine. Des événements un peu troublants qui se sont déroulés là-bas, donc ça vaut la peine de faire un retour sur cette situation. Les plans hégémoniques de l'OTAN dans le monde et sur la table aussi. L'état de surveillance totalitaire se développe en Amérique, en Moyen-Orient. On va parler du Moyen-Orient, on va parler d'économie. Et de Fukushima. Donc, ça devrait être suffisant pour couvrir les deux heures qu'on a ensemble cette semaine. Alors, voilà, maintenant que la table est mise, nous allons débuter avec Fukushima cette semaine. Nous allons faire la revue de la semaine passée et cette semaine. Alors, deux semaines d'affilée. La semaine passée, j'en avais pas fait de Fukushima, étant donné que j'avais parlé de la situation ici au Québec avec la grève étudiante et le gouvernement Charest des Marais qui est en feu et en flamme. Alors, donc cette semaine, on va faire cette petite revue de la semaine de Fukushima. Donc, alors allons-y avec, j'ai la semaine 60 et 61, alors je les répertorie depuis le début de le mois de mars 2011, alors depuis le début de cette catastrophe incroyable dont les médias refusent obstinément encore de vous parler. Alors ici à l'Autre Monde, nous sommes un des très rares médias francophones à vous rapporter ce qui se passe à Fukushima, alors autant à la télévision que même à la radio ou même dans les journaux, disons-le. Donc, les nouvelles les plus importantes au niveau de Fukushima, quelles sont-elles? Eh bien, on parle tout le temps, excusez-moi, de cette inquiétude qu'on a face à ce bassin du combustible utilisé qui risque de foutre le camp, tout simplement, et puis de voir l'équivalent de 30-35 ans de déchets nucléaires voire se répandre sur le sol et au grand air. Alors, une crise qui pourrait mettre en danger carrément la civilisation sur la planète Terre, particulièrement en Amérique, dans l'hémisphère nord. Alors, nous avons une nouvelle étude ici qui prouve que les basses doses de radiation sont très dangereuses, alors possiblement même pire que les hautes doses. Alors, c'est une autre étude qui vient d'être publiée en coopération avec le gouvernement japonais qui prouve que les basses doses de radiation sont extrêmement dangereuses pour la santé. Nous avons ici un physicien qui raconte ici que c'est Mikio Kaku que le cœur de Tchernobyl est encore en train de fondre à l'intérieur de la Terre et puis qui pourrait encore créer une explosion de vapeur avec l'eau souterraine. Alors vous avez une vidéo ici, allez voir un truc quand même assez intéressant. Quoique je trouve quand même assez surprenant, étant donné que moi j'avais vu des images que ces fameux cœurs à Tchernobyl s'étaient solidifiés suite à cet accident. Enfin, vous avez ici un autre professeur qui lui parle aussi de ces cœurs qui se sont complètement liquéfiés, mais cette fois à Fukushima. Lui dit qu'il n'y a rien qui reste, il n'y a même pas de crochet ou quoi que ce soit. Et puis vous avez un autre physicien ici qui parle de cette unité 2 qui est complètement liquéfiée, 100% liquification de son cœur d'uranium. Et il raconte, je cite, que nous n'avons encore jamais vu ceci dans l'histoire de l'énergie nucléaire. Alors on parle évidemment beaucoup de cette situation dans les médias assez spécialisé au Japon, et c'est à peu près là qu'on retrouve vraiment les seules nouvelles d'intérêt concernant Fukushima. Alors, je vous les rapporte à chaque semaine. Donc, on parle beaucoup de cette histoire. On parle aussi encore des tremblements de terre qui ne cessent de se produire au Japon. Alors, vous avez des tremblements de terre de l'échelle 4 à 6 sur l'échelle de Richter qui continuent de se produire même dans le nord du Japon, proche de Fukushima. Alors, ça aussi, ça ne cesse. Alors, voilà pour la semaine 60. C'est à peu près ça qui est de plus intérêt à vous passer là, pour cette semaine. Ici, vous avez des physiciens japonais qui déclarent que 1 million de Japonais vont développer des cancers et mourir des radiations de Fukushima en utilisant des chiffres d'experts. Alors, ça aussi, c'est quelque chose d'assez concernant, d'assez inquiétant, disons. Ensuite, on dit ici, vous avez aussi cette situation où on parle de cette possibilité. En fait, on ne dit pas si ça va se passer, mais plutôt quand. Si on ne fait absolument rien d'urgence pour stabiliser la structure du bâtiment 4 qui contient ce fameux bassin qui risque de s'écraser au sol. On parle de plans qui ont été révélés, des plans qui ont été établis par le gouvernement japonais d'évacuer le Grand Tokyo. Si ceci se produisait, alors on parle d'évacuation d'environ 40-45 millions de personnes de la grande région métropolitaine de Tokyo. Et possiblement même, vous avez d'autres articles que vous allez voir jusque dans la semaine 61 là, concernant Fukushima, où on parle même de plans qui auraient été mis au point par le gouvernement japonais pour éventuellement évacuer le Japon au complet. Imaginez, c'est assez incroyable d'entendre ça ou de lire des nouvelles qui vont dans ce sens, mais effectivement, il y a des plans qui ont été faits et puis on envisage cette possibilité si ce fameux bassin de combustible utilisé venait qu'à s'écraser au sol. Alors, c'est quand même assez particulier, là, comme je vous disais. On va y aller maintenant avec la semaine 61. La semaine 61 de Fukushima. Alors, ici, c'est des nouvelles encore des plus inquiétantes là, qui continuent d'être publiées concernant les rejets de radioactivité dans l'air, dans le sol et dans l'eau de Fukushima, qui vient de ce plan de Fukushima Daiichi. Et puis, on a des nouveaux estimés de TEPCO qui ont calculé les quantités de césium qui a fui de Fukushima. Et on en arrive à des chiffres qui sont maintenant 24 fois plus élevés que ce qu'on avait pensé et qui sont maintenant égales, tenez-vous bien, à 4023 bombes d'Hiroshima. Alors ça, c'est la quantité de césium qui s'est échappée de Fukushima jusqu'à présent. L'équivalent de 4023 bombes atomiques lancées sur Hiroshima. Imaginez. Alors, c'est énormément de césium. On parle de 15 000 terabecquerels de césium en radiation qui ont fui depuis cette situation, depuis cette centrale nucléaire. Alors, on sait qu'un terabecquerel est égal à un trillion de becquerels. Alors, imaginez 15 000 trillions. C'est assez incroyable comme quantité de radiation dans l'environnement. Donc, chers amis, c'est pas de quoi qui réellement justifie ce silence dans les médias quand on a une situation aussi grave. On dit que cette estimation arrive à des chiffres qui dépassent plus de 4 fois les émanations qui se sont échappées de Tchernobyl, qui avait été estimé à environ 85 000 terabecquerels de césium, de relâchement, de rejet de radiation de césium dans l'atmosphère. Donc, voyez que la situation est des plus sérieuses. Vous avez ici un général de l'armée américaine aussi qui a déclaré que l'entier hémisphère nord est, en fait, risque de devenir largement inhabitable si cette fameuse piscine de déchets nucléaires dans le bâtiment numéro 4 venait qu'à s'écrouler. Et pourquoi on en parle tant, c'est que, je le répète, il y a eu une explosion et puis la structure de ce bâtiment s'en est retrouvée affectée. Parce que, évidemment, que les ingénieurs ont eu la très bonne idée de situer ce bassin au-dessus du réacteur nucléaire. Alors, si celui-ci explose, eh bien, il explose directement en dessous de ce bassin qui contient des centaines, en fait, même des milliers de crayons de combustible utilisés. Vous avez des niveaux de radiation à l'intérieur de ce bassin de carburant nucléaire utilisé de l'unité numéro 2, cette fois, qui sont trop hauts la semaine passée, pour être mesurés. L'eau s'évapore très rapidement et puis on y retrouve très peu d'eau pour refroidir ces fameux crayons de combustible qui devraient normalement être en tout temps submergés sous l'eau. Donc, ce bassin numéro 4 aussi, du bâtiment numéro 4, est environ à une trentaine de mètres au-dessus du sol. Et puis, il est structurellement endommagé et exposé aux éléments ouverts. Alors, des tempêtes, les fameux typhons en Asie. Si un tremblement de terre ou un autre événement venait qu'à faire en sorte que cette piscine de déchets nucléaires venaient qu'à se drainer. Il pourrait en résulter, évidemment, une situation catastrophique, dans le sens où on prévoit qu'un feu radiologique pourrait prendre dans ce fameux bassin, alors qu'il contient environ 10 fois plus de césium-137 qui a été relâché par l'accident de Tchernobyl. Alors, voyez un peu là la situation. Donc, il est important que le public comprenne que les réacteurs qui ont opéré pendant des décennies, comme ceux à Fukushima Daiichi, ont généré parmi les plus larges concentrations de radioactivité sur la planète. Et risquent, encore là, d'en libérer encore plus si la situation venait qu'à se dégrader à Fukushima Daiichi ou ailleurs dans le monde, il y arrivait une pareille situation. Alors ici, vous avez un article qui parle justement de ces fameux murs d'acier. Hein, c'est fait avec des structures d'acier, ces fameux bâtiments-là. Et on retrouve de ces fameuses colonnes et de ces fameux murs qui sont légèrement... qui commencent à présenter des déformations structurelles. Alors, c'est quand même assez incroyable. Vous avez les cartes à aller voir et tout. Donc, chers amis, la situation est loin d'être rose. Et vous allez être capable de trouver les nouvelles les plus importantes, là, toutes rassemblées sous la rubrique Fukushima de cette semaine. Là. Vous avez les débris du tsunami qui, maintenant, ont traversé l'océan et commencent à se retrouver sur la côte ouest du continent nord-américain. On en a retrouvé dans les îles et puis sur les côtes de l'Alaska et aussi en Hawaï. Puis maintenant, ça s'en va vers la Californie, ainsi de suite. Donc, vous allez retrouver tous ces articles-là et plus dans cette section de Fukushima. Des experts nucléaires au Japon qui s'inquiètent que le corium n'est pas complètement couvert dans l'eau dans le réacteur numéro 1, qui pourrait avoir seulement que 15 pouces d'eau, alors ce qui équivaut à environ 40-45 cm, alors qui est encore plus bas, les niveaux d'eau plus bas que le numéro 2. Alors vous voyez, ces trucs-là ne sont même pas couverts d'eau. Alors évidemment que les températures continuent d'augmenter, et puis vous avez la vapeur continue de s'échapper de ces bâtiments-là. Donc, un autre expert ici, senior, qui explique que justement toute la région est du Japon pourrait être évacuée si la centrale de Fukushima était pour être abandonnée. Donc, plusieurs articles comme ça réellement là, qui vont vous laisser pantois. Là. Donc, je vais vous laisser découvrir le reste des autres. Vous avez un sous-marin nucléaire aux États-Unis qui a pris en feu. Alors, vous voyez que réellement, là, cette technologie-là est pas mal moins sous contrôle qu'on le pensait, que notre vanité voulait nous laisser croire qu'on contrôlait réellement. Là. Donc, vous avez des maps, des cartes du gouvernement américain qui montrent les particules radioactives qui ont pris une route directe vers Tokyo après que le réacteur numéro 3 a explosé. Alors, réellement, attendez-vous dans les prochaines années à voir des situations assez graves qui vont commencer à se développer dans le coin de Fukushima, des situations, évidemment, concernant la santé des habitants du Japon, des gens qui habitent autour de Fukushima jusqu'à Tokyo et même au-delà. On va voir de plus en plus les bébés qui ont commencé à naître alors depuis cet accident-là, qui ont été conçus durant cette période-là aussi. Alors, dans les prochaines années, dans les prochains mois, on va voir des nouvelles vagues de bébés naître, avec possiblement de plus en plus de malformations congénitales ou de problèmes, de maladies dégénératives, ainsi de suite, ainsi que des tumeurs, toutes sortes de cancers qui vont se développer, les taux d'arrêt cardiaque ou de maladie cardiaque qui vont se développer parce que c'est un des effets secondaires du nucléaire. Alors, voilà pour le dossier de Fukushima. Alors, on va faire une petite pause et puis on va se retrouver après. On va parler après la pause d'actualité. On va parler de Ron Paul, on va parler du Canada, on va parler on va parler d'État policier. Vous allez voir comment que les choses continuent de déraper en Amérique du Nord, autant aux États-Unis qu'au Canada. On va essayer de passer au travers de ça. On va voir des exemples de faux actes de terroristes, alors qui sont sponsorisés par les services secrets pour épeurer la population, justifier des mesures répressives à la maison et puis des fausses guerres à l'étranger. Alors, on va parler de ça. On va parler de l'hégémonie de l'OTAN qui cherche à s'installer. Alors, on a eu un sommet à Chicago d'ailleurs de l'OTAN il n'y a pas longtemps. Alors, on va faire le tour de ça. Il s'est passé des choses assez inquiétantes là-bas aussi. Et puis à ça, on va faire un tour assez rapide du Moyen-Orient, du Yémen, ainsi de suite. Syrie, Iran. Alors, vous voyez, pas mal de trucs là sur la table. Donc, on parle un peu d'Israël aussi, ainsi de suite. Alors, ça devrait faire pas mal le tour là pour ce qu'on pourrait classer comme étant l'actualité mondiale. Et puis après ça, ben, on devrait faire une autre pause là, si tout va bien. Là, on va voir dans le temps comment que ça se passe là. Et puis, j'aimerais ça vous parler aussi d'actualité, donc ce sera probablement dans un dernier bloc. Alors, on va passer à la pause musicale, on se retrouve immédiatement après. Ok, vous êtes de retour à l'autre monde. Alors, nouvelle de l'actualité. Alors, on va y aller joyeusement. CNN, j'en avais parlé ça doit faire 2-3 semaines. Puis, ça continue de sortir. Écoutez, CNN qui frappe les bas-fonds. En fait, on a atteint des bas jamais atteints depuis 20 ans. C'est le prime time, là. L'auditoria a frappé des bas jamais vus depuis 20 ans, en réalité, là. Vous avez des nouvelles que CNN a touché vraiment le fond du baril. Vous avez seulement 395 000 personnes qui ont écouté l'émission d'Anderson Cooper puis Piers Morgan. Alors, voyez les grands médias qui continuent de planter du nez. Alors, c'est pas pour rien. Évidemment, les gens sont tannés de se faire remplir de mensonges et de fausses vérités, ainsi de suite. Alors, réellement, ça continue de chuter comme ça dans les grands médias de masse. Ron Paul a gagné les délégués du Minnesota et puis d'autres États aussi. Alors, ça continue la campagne là-bas. On en parle bien peu dans les médias, mais c'est un autre exemple où on peut voir le rôle des médias tout le temps promouvoir les fameux, si vous voulez, les dauphins de l'élite. Alors, un peu comme j'en parlais dans les semaines passées, ici, le vrai gouvernement de facto, c'est le gouvernement des Marais, le clan des Marais, ici au Québec, qui mène, et bien souvent sur la scène canadienne aussi, où on nous présente souvent des politiciens qui sont carrément des chevaux dressés et contrôlés par une certaine élite financière corporative. Dans ce cas-ci, on parle de la famille des Marais pour le Québec, alors qu'aux États-Unis, ben on voit évidemment Wall Street et, si vous voulez, les méga-corporations et les puissants lobbies contrôler, financer, supporter des candidats qui vont réellement faire avancer leur agenda. Alors, on a eu affaire les dernières décennies à des coups d'État silencieux où on a vu carrément nos gouvernements être pris d'otages, pris de contrôle par cette élite financière. Alors, on a des gens qui se présentent et qui ne devraient pas être là selon l'élite parce qu'ils ne représentent pas leurs intérêts, mais représentent les intérêts du peuple en général. Et puis, on essaye de faire taire ces gens. Alors, c'est le cas de Ron Paul aux États-Unis qui continue de gagner des délégués, qui continue de démontrer que la population est derrière lui et puis qu'il subit des fraudes électorales, ainsi de suite. Des manipulations, des gros biais de traitement médiatique, autant dans les journaux que dans les médias télévisés. Alors, Ron Paul qui a gagné 32 des 40 délégués au Minnesota. Alors, ça a été rapporté par ABC News. Vous avez Ron Paul qui a gagné tous les délégués au Maine. Alors, voyez, c'est quand même assez incroyable. Donc, ça continue de se passer comme ça. Nicolas Sarkozy, lui, qui fait face à des questions dans une quantité d'enquêtes alors que son immunité se termine. Alors, évidemment que ce type, vraiment, n'est pas mieux que le reste des corrompus qui nous sert de chef d'État. Donc, on continue. La mission canadienne en Libye a coûté 7 fois plus cher que ce que le ministre de la Défense, Peter McKay, avait déclaré qu'elle était pour coûter. Alors, des documents qui ont été publiés par la National Defense, la Défense nationale, qui indiquent que le coût total de la mission libyenne menée par le Canada a coûté environ 350 millions de dollars. 7 fois ce que Peter McKay avait expliqué aux Canadiens, avait déclaré aux Canadiens qu'elle était pour coûter. Alors évidemment que c'est tout en même affaire, hein, ça va juste coûter quelques dollars, et puis en fin de compte, on défend 350 millions de dollars. Imaginez ça, chers auditeurs. 350 millions de dollars, ça fait pas mal d'affaires dans une société. Alors, on préfère dépenser ça dans des agressions militaires de d'autres contrées souveraines. Alors, des agressions qu'on fait passer pour des interventions humanitaires, mais qui n'ont rien à voir à ceci. Et puis, je vais faire une petite parenthèse, d'ailleurs, puisqu'on parle de cela, parce que sous l'émission du 21 mai, sur notre chaîne YouTube de l'Autre Monde, j'ai une personne qui m'a écrit, et puis là, à un moment donné, cette personne, ce commentateur, auditeur, a laissé tellement de commentaires qu'à un moment donné, ça devient quasiment ridicule. Là. Ça devient un peu long à répondre, comme si on avait juste ça à faire, chers auditeurs. Je veux pas être au-dessus de ces affaires-là, mais à un moment donné, ça devient assez particulier de voir la quantité de gens qui s'intéressent à l'actualité mondiale, mais qui, ce qui est très bien, là, mais qui parfois sont un peu, comment je vous dirais, sur l'effet encore des préjugés qui sont inculqués sans cesse par les grands médias, et puis qui vous font à croire que un soulèvement populaire comme il y en a en Grèce, comme il y en a ici au Québec présentement, avec le mouvement Occupy Wall Street, et ainsi de suite, on assimile ceci à ce qui se passe, par exemple, en Libye puis en Syrie, alors que c'est vraiment pas le cas. Alors, la personne ici qui m'écrivait trouvait que sur l'autre monde ici, j'étais un peu paradoxal dans le sens que je supportais les soulèvements sociaux ici, dans l'Amérique du Nord, par exemple, ou en Europe, alors que je semble dire que ceux qui se passent en Libye et en Syrie ne sont que des complots des services secrets de la CIA et d'Israël, ainsi de suite. Alors que cette personne-là soutient qu'il y aurait véritablement un soulèvement social contre le boucher en Syrie, et puis le fameux boucher en Libye, et puis accuse ces gens d'être de sanglants dictateurs, ainsi de suite. Alors, je croyais intéressant de faire une petite capsule sur ça rapidement pour répondre à cet auditeur. Et puis, au reste des personnes qui seraient un peu mêlées par cette situation-là, qui traite de Bachar de terroriste, ainsi de suite, qu'on traite de monstre, alors qu'on dit que le peuple syrien et algérien n'ont pas droit à leur printemps arabe. On dit que la plupart des militaires syriens ont déserté en masse et même... Bon, écoutez, c'est bien simple. Et puis, j'ai répondu à cette personne-là, et puis après ça, elle m'a répondu par 12 autres commentaires sans jamais répondre aux informations que je lui apportais. C'est que, premièrement, le fameux printemps arabe était un faux printemps arabe, dans le sens qu'il a été fomenté, financé, ça a été révélé par plusieurs sources maintenant, de toute évidence, par, si vous voulez, les back channels des États-Unis et puis d'Israël. OK? Alors, ceci n'enlève rien au fait que, évidemment, ces peuples aspirent à la liberté, aspire à un système politique plus juste. Ça n'enlève rien, absolument rien de ceci à la population. Sauf que vous devez comprendre que ces fameux soulèvements sociaux qu'on a voulu présenter comme étant un désir d'émancipation de la masse n'en était pas un spontané du peuple, mais était plutôt des mouvements financés, bien souvent des mouvements extrémistes, des groupes extrémistes, jusqu'à des terroristes qu'on a financés, qu'on a armés, qu'on a envoyés dans ces pays-là pour les déstabiliser de l'intérieur. Alors ça, c'est comme des coups d'État financés par des pays à l'étranger. Alors vous savez, c'est un grave crime. Alors sous la guise d'aide humanitaire puis de vouloir libérer ces personnes-là, de gens qu'on peut évidemment réellement, consciemment questionner l'approche politique, parce qu'évidemment qu'on sait qu'en Syrie, par exemple, on pratique la torture. Kadhafi, c'était pas un enfant de cœur non plus. Mais vous pouvez pas non plus enlever à Kadhafi qu'il y avait le pays le plus libre pour les femmes, l'éducation, ainsi de suite, l'eau, la nourriture, je veux dire, il y avait le plus de liberté, je veux dire, il y avait les maisons sont, la première maison d'un couple fraîchement marié est payée, les dettes sont sans intérêt, je veux dire, écoutez, là, chers amis, Kadhafi avait un plan d'instaurer le dinar or qui aurait libéré l'Afrique du joug des banquiers internationaux avec leur système monétaire basé sur la dette, un système de Ponzi. Alors, je veux dire, oui, ces gens-là ne sont peut-être pas des enfants de cœur, mais je veux dire, ils ne font rien de pire. Rien, absolument rien de pire que les leaders des pays occidentaux qui ont financé et participé à la mort de plus de 1,3, 1,4 millions d'Irakiens depuis 2003, qui ont utilisé des armes à uranium appauvri, qui ont une demi-vie radioactive de 4,5 milliards d'années. Donc, on a pollué ces pays-là de déchets radioactifs pour les libérer pour des soi-disant missions humanitaires. Arrêtez, là. Alors, cet auditeur, quand je lui ai apporté cet argument de l'uranium appauvri utilisé dans ces bombes sales utilisées par les forces de l'OTAN et de l'Alliance, il n'y a eu aucune réponse à cet argument. Alors, je veux dire, moi, je veux bien accuser Assad ou Kadhafi des crimes qu'ils ont commis. Mais alors là, soyons justes. Parce que si on peut bombarder, si on se donne le droit de bombarder la Syrie et puis la Libye, ben il va falloir aussi autoriser ces pays-là à venir attaquer les États-Unis, le Canada, la France, l'Angleterre, l'Israël, pour leurs exactions, leurs crimes de guerre qu'ils ont commis au Moyen-Orient et puis à travers différents pays. Écoutez, regardez la Palestine, regardez ce qui est devenu l'Afghanistan, regardez ce qui est devenu l'Irak. Regardez les attaques continuelles qui se passent encore cette semaine. Des innocents qui ont été tués par des bombes lâchées par des drones au Pakistan, en Afghanistan, en Irak. On continue de tuer des civils sans cesse à chaque semaine. On a tué possiblement 30 000 et 50 000 Libyens pour aller les libérer. En quoi ceci est-il mieux? Là, on se prépare sérieusement à une intervention en Syrie. Là, vous voyez le massacre d'au-dessus de 100 personnes qui s'est passé en Syrie. Il n'y a rien de supposé là-dedans. Il semble que ça se soit passé. Sauf que je vois bien mal comment Assad permettrait à ses troupes de faire une telle chose, sachant que ceci ne risque seulement que donner la justification des forces internationales d'attaquer son pays. Voyons donc. Il y a des gens qui sont peut-être fous, mais ils sont quand même pas si caves que ça non plus, là. Hein? Vous allez trouver encore dans la section de la Syrie cette semaine une multitude d'articles. Une multitude d'articles, chers auditeurs, qui vous montrent très clairement, encore une fois, parce que j'en ai parlé pendant plusieurs semaines, que des armes sont acheminées par Israël et les États-Unis vers des groupes terroristes des groupes violents et armés, de l'Al-Qaïda, des groupes terroristes et des mercenaires privés qui ont combattu en Libye, que maintenant on achemine à l'intérieur de la Syrie pour déstabiliser le pays. Ces gens-là tirent sur la population, tirent sur les soldats syriens. Après ça, ils causent des morts qu'on blâme sur le dos d'Assad, qu'on blâme sur ses forces de sécurité, qui, elles, doivent répliquer contre ces terroristes qui ouvrent le feu dans les villes. Alors, c'est ça la situation. Si vous voulez pas le voir, si vous voulez pas l'accepter comme étant une réalité, je veux dire, si vous voulez vous fermer les yeux sur ça, ben allez-y, moi ça me dérange pas. Mais ça ne l'empêchera pas la réalité d'être telle qu'elle est. OK? Je veux dire, à un moment donné, il va falloir s'ouvrir les yeux sur la réalité. C'est pas juste des questions de croyance. Vous avez ici un article qui parle des États-Unis qui, officiellement, ont armé des extrémistes en Syrie. Ça, c'est la Brookings Institution. C'est un important groupe de think tank qui crée les politiques extérieures des États-Unis, qui ont admis que le plan de paix de Kofi Annan en 6 points pour la Syrie était seulement qu'une façon d'acheter du temps pour réorganiser les terroristes de l'OTAN et puis leur donner un prétexte nécessaire pour rétablir des zones de l'OTAN à partir desquelles ils vont pouvoir mener leur attaque de terrorisme à l'intérieur du pays. Alors, on a aussi montré qu'en 2007, les États-Unis, l'Arabie Saoudite et puis des officiels israéliens ont admis avoir créé un front militant d'extrémistes pour le seul but de causer la déstabilisation en Syrie, qu'on voit aujourd'hui prendre forme, et ultimement renverser le gouvernement syrien. Alors, ça fait des années qu'on y travaille. Il a été noté que en fait, du comment ces extrémistes militants ont des liens directs avec l'Al-Qaïda. Et puis, il ne faut pas non plus oublier que, justement, cette fameuse Al-Qaïda dont on parle est une organisation terroriste qui est complètement tirée de groupes du renseignement, de l'intelligence américaine, en fait, qui sont des banques de données de groupes terroristes que la CIA s'amuse à financer et à former et armé depuis des dizaines d'années. Donc, tout ça continue. Les États-Unis qui ouvertement donnent couvert à l'Al-Qaïda en Syrie et les aident à identifier des cibles. Vous avez maintenant des médias qui rapportent maintenant ouvertement que les terroristes de l'Al-Qaïda travaillent à l'intérieur de la Syrie avec des observateurs des Nations Unies, comme on le voit dans des vidéos en Syrie qui ont été rapportées. Alors, imaginez, ça, c'est incroyable. Alors, quand est-ce qu'un terroriste n'est pas un terroriste? Alors, quand un terroriste commet des actes de terrorisme qui promeut l'agenda impérialistique des États-Unis, eh bien, voilà la définition d'un terroriste qui n'est pas un terroriste, selon eux. Alors qu'on le voit encore et encore, comment des terroristes de la MKO ont ouvertement commis des attaques à la bombe et des assassinats en Iran, ainsi de suite. Alors, vous voyez, c'est assez incroyable, on a des photos puis des vidéos ici où on voit, c'est apparu sur Daylife, un website, avec un homme, avec la mention d'un homme qui portait un chandail noir, arborant le logo de l'Al-Qaïda, en fait le drapeau de l'Al-Qaïda, et qui parle, et on le voit sur la photo, là, dans l'article, avec un observateur des Nations Unies, alors qu'il se rencontre avec avec les rebelles et les civils dans un village de Hazara, dans la province de Homs, lors du 4 mai 2012. Alors, ça, c'est incroyable. Alors, tout ceci confirme des centaines de rapports des médias alternatifs par rapport à l'alliance très malsaine entre l'Al-Qaïda, hein, le groupe, les groupes terroristes supportés par les services de la CIA, et en conjoncture avec les rebelles syriens. Alors, si ça, ça vous plaît, si ça, vous pensez que c'est une bonne façon d'intervenir dans ces pays-là pour supposément renverser un monstre comme Assad, puis je vous dis pas que c'est un homme sympathique, là, mais je veux dire, on n'a aucune business de financer puis d'envoyer des terroristes à l'intérieur de la Syrie pour en renverser un gouvernement. On n'a aucune business de larguer des bombes à uranium appauvri radioactif sur un pays contaminant des populations entières pour supposément les libérer puis mettre fin à un régime. Je veux dire, Assad a pratiqué la torture, mais je veux dire, Obama l'a autorisé aussi, comme Bush l'a fait. Les États-Unis officiellement pratiquent la torture de nos jours. Alors, je dis, si on veut reprocher ça à Assad, alors pourquoi pas nommer Bush et Obama les bouchers de Washington et puis intervenir aussi dans ce pays-là? Je veux dire, à un moment donné, il faut souffrir d'une genre de schizophrénie, là, je veux dire, pour accepter que on puisse intervenir en Syrie et en Libye, mais qu'on accepte que nos propres pays commettent les mêmes exactions qu'on reproche à ces gens-là. OK? Alors, les rebelles syriens qui reçoivent des armes des voisins du Golfe avec l'argent et la coordination des États-Unis. Alors, ça continue notre article qui parle de ça. Là, vous avez le Turkish Daily, un média en Turquie qui rapporte que la CIA et le Mossad sont derrière des attaques à la bombe en Syrie. Alors, on dit que c'est des incitations à la violence par la CIA, le Mossad, des agents qui sont en Irak, qui sont maintenant appliqués à la Syrie. Alors, ça a été rapporté par aussi le journal libanais Al-Bena. Donc, plusieurs articles qui parlent de ça. Alors, la Brookings qui annonce le prochain move, alors en Syrie, qui est la guerre. Alors, on est en train de préparer ça. Cette semaine, vous allez voir, à la suite de ce massacre d'au-dessus d'une centaine de personnes en Syrie, ben là, vous avez le Conseil de sécurité des Nations Unies qui vont se rencontrer sur ça. Puis là, tranquillement, on va dire qu'on a tout essayé, puis qu'il va falloir utiliser la force. Et puis là, vous avez disposé les supposés rebelles syriens. Là, je parle pas des gens qui, de la population, là, qui pourraient s'opposer à leur gouvernement, mais je veux dire, la voix des médias, qu'on entend dans les médias, ce sont les fameux rebelles qui sont des terroristes, des extrémistes, qui n'ont rien à voir avec la population syrienne. Alors, on rapporte que ces gens-là, maintenant, incitent la population à se soulever pour renverser le régime d'Assad si on n'arrive pas à avoir une intervention militaire internationale. Alors, vous voyez. Donc, c'est quand même... c'est ça qui est l'affaire. Je veux dire, printemps arabe, j'avais parlé de ça dans des émissions passées. Et puis, je vous avais expliqué, à l'aide de plusieurs documents, ainsi de suite, que le printemps arabe n'y a pas eu. Ça a été un faux printemps arabe, dans la plupart des cas, qui a été fomenté par des groupes, des organisations américaines, comme la NED, ainsi de suite, la USAID, les groupes israéliens, pour finalement déstabiliser des pays, renverser les gouvernements qu'on jugeait hostiles aux intérêts sionistes et américains dans la région et installer des nouvelles marionnettes qui vont être plus favorables, plus faciles à diriger. Vous avez ensuite la Corée du Nord et la Russie qui ont envoyé des bateaux avec de l'armement dans les ports de la Syrie. Vous avez le Pentagone qui ont mené des exercices militaires sans précédent à la frontière de la Syrie. Alors, c'est le Pentagone qui, la semaine passée, a mené des exercices militaires multinationales, en fait, le plus important de l'histoire du Jourdain, avec des manœuvres planifiées le long de la frontière syrienne. Ensuite, on a appelé ça Eager Lion 2012. Alors, des exercices qui vont amener, en fait, qui ont amené ensemble des unités armées de 17 pays, incluant le Jourdain, les États-Unis, la France, la Turquie et l'Arabie Saoudite. Donc, voyez qu'on est en train de se pratiquer, on est en train de se mettre en place. OK, alors on dit que ceci n'avait rien à voir avec la série, alors c'est juste une coïncidence, bien sûr, j'imagine. Donc, on est en train de se préparer, comme je vous disais, à renverser le gouvernement de Assad. Alors, vous avez d'autres articles fort intéressants ici qui parlent justement de cet agenda au Moyen-Orient avec ce fameux printemps arabe fabriqué par les États-Unis. Donc, on monte un paquet de pays où on est en train d'intervenir, où on veut prendre contrôle. Alors, l'Algérie, la Libye, l'Égypte, le Soudan, le Yémen, Pakistan. Alors, c'est la prochaine direction des choses. Une photo ici de la Free Syrian Army, une armée de supposés rebelles, mais qui sont en réalité non seulement des extrémistes sunnis syriens, mais aussi de terroristes libyens que le département de l'État américain a listé comme étant the Libyan Islamic Fighting Group, mené par Abdulhakim Belhaj, et puis qui est une manifestation de des années d'aide israélienne, saoudienne et américaine, depuis au moins 2007 en réalité, des groupes qu'on prépare, qu'on met en place. Alors un autre article qui parle de ça, de l'Arabie Saoudite, Israël, les États-Unis qui sont derrière la violence qui se passe en Syrie. Alors c'est eux autres qui sont derrière la majorité de ce qui se passe en Syrie. Alors, arrêtez de parler d'un soulèvement social, là. Arrêtez de parler d'un peuple, d'un printemps arabe, là. Okay? La violence qui est causée par ces gens-là en Syrie, je veux dire, est complètement fabriquée de A à Z. C'est une agression, c'est un crime contre le droit international. Et puis, comme je vous expliquais dans les émissions passées, eh bien, c'est une façon détournée d'arriver à l'Iran, parce qu'on sait que l'Iran a un pacte de défense mutuelle militaire. Alors, si on attaque la Syrie, ça veut dire que l'Iran va être attiré dans ce conflit pour venir protéger la Syrie. Alors, ce qui va donner une justification d'élargir cette guerre-là contre l'Iran. On a trouvé plusieurs articles, justement, qui rapportent des officiels israéliens qui se disent prêts à cette guerre en Iran, qu'on doit y aller avant les élections américaines à l'automne, alors que les préparatifs de guerre sont maintenant tout prêts. Les États-Unis qui semblent vouloir se préparer à ça aussi, à assister Israël. On a passé un nouveau décret la semaine passée qui va augmenter l'aide militaire et financière à l'Israël, l'aide américaine à ce pays. Donc, plusieurs articles à aller lire par vous-même ou vous rendre compte, là, aller voir les sources de ça. Plusieurs articles qui parlent de ces groupes supportés par les États-Unis, Israël et Saoudiens, des groupes terroristes qui déstabilisent la Syrie et qui font maintenant irruption au Liban. Alors, le Liban aussi qui semble vouloir être attiré dans ce conflit. Vous avez d'autres attaques aux drones qui se sont passées dans les zones tribales au Pakistan. Alors, on continue de tuer des civils dans cette région-là aussi. Alors, ça n'arrête pas. Donc, quand même, là, vous voyez la situation qui se développe selon de ces lignes-là. Ensuite, on va revenir un peu à notre actualité mondiale. Ici, un rapport qui parle de M. Bush. C'est assez particulier de voir ces gens-là, comment ils dépensent. Alors, vous avez les pères de taxes aux États-Unis, eux autres, qui doivent supporter les dépenses encore de ces ex-présidents. Puis, vous avez un article ici qui parle des dépenses de 80 000 $ sur leur dernière facture de téléphone dans la famille Bush qui doivent être supportées par les payeurs de taxes. Alors, c'est incroyable. Écoutez, George W. Bush a dépensé 80 000 $ en téléphone en 2010, selon un rapport qui a été publié là il y a récemment. Alors, ça fait quand même pas mal d'argent. pour des paires de taxes là, à dépenser. Je veux dire, ça n'a aucun sens, là, des appels téléphoniques, alors que ces gens-là, en fait, rapportent des millions de dollars avec leur speech à travers le monde, et ainsi de suite. Alors, mais voilà, ça continue comme ça, des stupidités. Bush qui a été trouvé coupable de crimes de guerre par un tribunal en Malaisie. Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld et puis leur conseiller Alberto Gonzalez, David Addington, William Haynes, Jay Bybee et puis John Hu ont été jugés en absentia en Malaisie. Puis c'est un tribunal qui s'est tenu à Kuala Lumpur, présentant des témoins qui ont été victimes de torture ou qui ont souffert aux mains des soldats américains et des contracteurs américains en Irak et en Afghanistan. Alors, le boucher en Syrie, ben voilà le boucher de Washington. Pendant ce temps-là, vous avez la CIA qui a détruit des vidéos présentant de la torture avec le waterboarding, montrant des victimes qui vomissaient et criaient en horreur. Alors, ça, c'est acceptable, par contre. Alors, nous autres, c'est correct quand on fait ça, mais quand c'est un de nos ennemis, oh, ben là, c'est condamnable. Voilà les deux poids, deux mesures. Pfizer et Merck, sous enquête pour avoir fait collusion avec l'administration Obama dans leur plan de santé. Alors, on parle évidemment de corruption avec les grosses compagnies pharmaceutiques comme Pfizer puis Merck qui ont donné de grosses de gras, si vous voulez, pots de vin pour faire en sorte que leurs produits pharmaceutiques reçoivent des traitements préférentiels dans les plans de santé pour la population américaine d'Obama. Vous avez le billionnaire George Soros aussi qui utilise son argent pour s'assurer qu'Obama soit réélu. Alors, voilà. Le retour ensuite, là, on parle un peu de terrorisme. Vous avez eu un cas il y a environ une dizaine de jours, hein, quelque chose comme ça. En tout cas, le retour, c'est le retour du Underwear Bomber. Alors, on l'appelle comme ça en anglais. C'est le terroriste à la bombe dans les caleçons, là. Vous vous rappelez de ce fameux cas de Omar Farouk Abdulmutallab lors du jour de Noël en 2009. Eh bien, là, c'est revenu. On a eu, il y a environ une semaine et demie, des autorités américaines qui ont déclaré sur les médias qu'ils avaient réussi à arrêter un complot de l'Al-Qaïda de récidiver et de faire exploser un avion en plein ciel utilisant une version plus sophistiquée de la bombe qui avait été utilisée et qui n'avait pas en fait détonné de façon voulue par Omar Farouk Abdulmutallab. Alors, on continue de terroriser la population avec des faux actes terroristes. Pourquoi je dis des faux actes terroristes? Parce qu'ils sont en réalité fomentés, fabriqués, alimentés par les services secrets ou par le FBI, et ainsi de suite. Et après, on dit avoir démantelé ces réseaux-là, puis on s'en vante. Et vous allez voir le FBI qui, à la suite de ça, ben, va demander les instances de surveillance et la grosse business de la sécurité et surveillance. Après ça, se disent vouloir de plus amples budgets pour lutter contre le terrorisme. Et puis, on justifie les mesures répressives et d'état policier dans nos pays suite à ça. Alors, ce fameux suicide bomber, alors terroriste à la bombe suicide, supposément basé au Yémen, n'avait pas encore, en fait, même choisi une cible ou acheté un billet d'avion, alors que la CIA s'est mise dans le dossier puis ont saisi les bombes. La CIA est en train de déclarer d'avoir connu l'existence de cette bombe avant même qu'elle n'existe. Alors, c'est un peu comme le film Comment ça s'appelait ce Minority Report, alors qu'on est en train de d'être capable de lire dans le temps, voir des potentiels terroristes être arrêtés avant même qu'ils commettent quelques actes de terreur que ce soit ou d'avoir même fabriqué une bombe. Alors ces gens-là n'avaient même pas encore fabriqué une bombe ou acheté une bombe, n'avaient même pas acheté un billet d'avion, n'avaient même pas encore absolument rien fait. Puis le CIA a lu dans les feuilles de thé ou l'alignement des étoiles ou peut-être un avec le Ouija ou les cartes de tarot, je sais pas trop, là, et ont été capables de voir que ces gens-là étaient pour commettre des actes de terrorisme. C'est incroyable. Et puis là, après ça, on apprend un peu plus loin que finalement, cette personne-là, qui était censée vouloir commettre un acte de terrorisme, était un informateur de la CIA. Donc là, c'est assez incroyable. On apprend dans le LA Times, alors de Los Angeles, un rapport qui montre que l'informateur travaillait sous la direction des services du renseignement de l'Arabie Saoudite et de la CIA, et qui lui posait comme un supposé terroriste à la bombe suicide. Et puis là, après ça, on envoie ces gens-là, puis là, ça se trouve être des agents doubles qui s'est arrangé pour livrer cet engin explosif à des agents du renseignement américain au Yémen. Et puis maintenant, ben, cette personne a été arrêtée. La bombe est maintenant supposément analysée dans les laboratoires du FBI. Donc, toute une histoire encore qui se déroule. Un autre fausse attaque terroriste qui est démontée par les médias alternatifs. Un spectacle de la terreur et puis ses intérêts. Alors, un article ici du Guardian qui a été publié, très intéressant, où on parle, justement, vous avez des médias qui commencent à poser des questions, là, écoutez, là, on n'est pas d'allure, là. On parle de ces fameuses histoires de spectacles du terrorisme qui sont finalement, bien souvent, l'œuvre, comme je vous disais, des informants de police ou du FBI ou des services secrets. C'est devenu, en fait, une tradition depuis les années récentes. En fait, vous avez une différente liste ici de ces supposés actes de terrorisme qui se sont tous été révélés des faux actes de terrorisme, soit des gens innocents qui ont été pris dans une histoire complètement farfelue, qui a été rejetée par les cours, ou tout simplement des terroristes qui ont été alimentés par, comme je vous disais, la police, le FBI ou des services secrets. Donc, plusieurs articles qui parlent de ça, on fait des liens dans cet article-là. Et puis, après ça, ben, ça permet justement au complexe de la sécurité, complexe industriel de la sécurité, de prendre de l'expansion de façon exponentielle dans nos pays et qui permettent la mise en place de pièces de législation, de lois, comme aux États-Unis, le Homeland Security Act, le Patriot Act, le NDAA, qui donne au président d'arrêter des citoyens américains, n'importe qui, et de les enfermer par l'armée de façon indéfinie et sans être accusé de quoi que ce soit ou de procédure judiciaire juste. Alors, on est pas mal loin, là, de l'image qu'on a normalement des États-Unis, d'un beau pays où la liberté règne. Là, un autre article ici, écrit par Britt D., du Activist Post, où on parle des services d'intelligence britanniques du MI5 et MI6 qui sont derrière aussi cette histoire du nouveau terroriste à la bombe suicide. Alors, un autre article qui parle de ça. Alors, vous voyez, ça continue comme ça, les fausses attaques terroristes. Donc, la CIA qui aurait mené l'entière opération. Donc, plusieurs détails ici, allez voir, des articles fort bien écrits avec plein d'informations, allez voir. Et voilà, donc ça continue comme ça. Ensuite, des agents doubles, ici on parle d'agents doubles dans les mains de l'Al-Qaïda et puis cette troisième tentative manquée à la bombe. Ensuite, pendant ce temps-là, ben, ça justifie justement qu'on installe cet état policier aux États-Unis et on s'y pratique activement. Alors, dans cet article-ci, ben, on parle d'exercices militaires à Miami, écoute, qui ont même réveillé des résidents. Ils ont tiré du lit tellement que ça faisait du bruit. Écoutez, c'était assez incroyable, là. Je veux dire, on avait des hélicoptères qui volaient à basse altitude avec des genres d'explosions qu'on avait faites pour les exercices durant cet exercice militaire d'entraînement. Alors, on voulait mener supposément un entraînement urbain réaliste à Miami. Ici, plus proche du Canada, les fameuses forces policières au sommet du G20 qui s'est déroulé à Toronto il y a 2 ans. Et leurs commandants sont maintenant accusés dans des procès à Toronto. Alors, vous avez différentes enquêtes maintenant qui ont révélé que justement vous avez des agents de la police et des commandants qui ont agi de façon criminelle. Alors qu'ils ont commis des offenses de mauvaise conduite, ainsi de suite, lors du sommet du G20 au mois de juin 2010. Alors ça a été rapporté par CBC News. Donc, vous avez eu des arrestations illégales qui ont été faites, l'utilisation excessive de la force non nécessaire contre des prisonniers qui ont été, des gens qui ont été faits prisonniers, alors ainsi de suite. On a eu aussi au Canada, la semaine, en fait une dizaine de jours, la visite de Shimon Peres, qui est venu pour une visite de 4 jours au Canada. Alors, on continue d'accepter ici au Canada la visite de criminels de guerre. Alors, comme on a fait avec George Bush, maintenant c'est Shimon Peres qui est même venu jusqu'à Montréal. Alors, voilà, ça c'est incroyable. Ensuite, on peut parler ici plus proche du Québec. Vous avez des douzaines de gens qui ont été arrêtés pour une fraude de carte de crédit. Alors, c'est un genre de réseau là, qui a été mis à jour par la police ici au Québec. Et on a arrêté des douzaines de gens qu'on croit être membres d'un réseau criminels basés à Montréal, mais qui ont une influence, en fait, une portée internationale. Et puis, curieusement, on n'a pas donné aucun nom. Alors, ça aussi, c'est particulier. Alors, quand on refuse de nommer qui sont ces gens, des fois, il faut se demander un peu qui ça pourrait être, hein? Si ça avait été des Arabes ou des Italiens, probablement qu'on nous l'aurait dit. Sauf que quand ça l'implique soit des Israéliens ou des Juifs, eh ben, bien souvent, on tait ce petit détail, hein, parce que ça serait antisémite. Bon, ensuite, les compteurs intelligents, ben ça, j'en avais parlé dans le passé, c'est important d'y revenir parce que la situation n'est pas encore terminée. Il faut continuer de s'opposer à ça. Compteurs intelligents, un risque sérieux pour la santé selon une sommité internationale, selon le Dr. David Carpenter, une sommité internationale concernant les impacts des champs électromagnétiques sur la santé. L'état de la recherche scientifique établit de façon suffisante qu'il est fort probable que les compteurs intelligents émetteurs de radiofréquences compte installé Hydro-Québec puisse constituer un risque sérieux pour la santé, rapporte le journal Le Devoir. Un article fort intéressant à aller consulter et qui vient documenter encore une fois de plus que ces compteurs intelligents n'ont rien de bon pour nous à offrir. D'ailleurs, vous avez une commission publique en Californie qui ont déclaré que justement ces compteurs intelligents étaient pour être, en fait, les frais pour ces trucs-là étaient pour être suspendus. Ça aussi, vous voyez, c'est une situation qui affecte toute l'Amérique du Nord au complet, donc les États-Unis, le Canada, et aussi, vous avez en Europe plusieurs pays qui ont commencé à installer ces fameux compteurs intelligents-là. Alors, vous voyez, là, vraiment, une tendance dans plusieurs pays à vouloir installer ces petits bidules. Ensuite, la grève étudiante ici au Québec, on en a parlé toute la semaine passée, alors on va faire un court suivi de la situation. Vous avez plus de 2500 arrestations qui ont été faites depuis le début. Alors, ça aussi, c'est assez particulier. Là, on n'a pas vu ça depuis au moins 30 ans là, dans la province. Écoutez, le gouvernement et puis le clan des Marais continuent de s'enfoncer énormément. Plus on arrête des gens, plus on insiste avec cette loi débile qu'on a mis en place, la loi spéciale 78, plus ils s'enfoncent. Là, vous avez le phénomène qui est en train de s'élargir à la population entière. Là, vous avez le phénomène des casseroles à Montréal qui prend de l'ampleur. Alors, vous avez des quartiers en entier, là, une vingtaine de quartiers, j'entendais là, aux dernières nouvelles, où les gens sortent spontanément dehors pour frapper sur leur casserole, faire du bruit, des bruits de tambour, et ainsi de suite. La population a un ras-le-bol total de la corruption et puis de cette farce de démocratie, de gouvernement qu'on a en face de nos yeux. Et puis, ceci est extrêmement positif. Par contre, vous avez le gouvernement qui est en mode panique totale et qui dilapide nos fonds publics encore de plus en plus dans des publicités, des messages financés par le gouvernement pour essayer de convaincre les Québécois que le gouvernement a à cœur leur bien, autant au niveau éducationnel que financier, ainsi de suite. On entend encore des nouvelles annonces qui sont mises en place dans les médias, la télévision du gouvernement, pour passer des messages, un peu comme un gouvernement qui est dans un déni de la réalité, qui dit « Oh non, non, vous entendez ça, c'est incroyable, je veux dire, les dépenses qui sont faites par un gouvernement qui pense encore convaincre une population que le gouvernement a raison, que sa position est juste et légitime. » Et puis là, fort intéressant, la presse a publié un article ici, « Québec achète grève étudiante sur Google ». Alors imaginez comment que le gouvernement est désespéré de montrer son point de vue. Un gouvernement qui montre tous les signes d'un gouvernement déchu, fini ben raide. Alors, au lendemain de la grande manifestation contre la hausse des frais de scolarité, Québec a payé pour acheter les noms des principales associations étudiantes et certaines expressions comme « grève étudiante » sur le moteur de recherche Google afin de promouvoir le point de vue gouvernemental. Plusieurs internautes qui recherchaient dans Google les acronymes de la Fédération étudiante universitaire du Québec, la FEUC, ou la Fédération étudiante collégiale du Québec, la FEC, ou de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante, l'AC, ont vu apparaître une publicité pour le site gouvernemental, qui est le www.droitdescolarité.com. Même résultat pour les expressions « grève étudiante » ou « manifestation étudiante ». C'est incroyable. Sous le titre « L'université demeure accessible », le site annoncé propose d'apprendre aux lecteurs pourquoi une hausse est nécessaire pour continuer à assurer la qualité de l'enseignement et garantir la valeur des diplômes universitaires. Débile. Les assos étudiantes qui combattent la hausse sont outrées que leur nom ait été utilisé à cette fin. Alors, vous avez le reste de l'article ici à aller lire. On vous explique qu'écoutez, on dépense encore là des milliers de dollars pour faire la promotion du point de vue du gouvernement. Vous avez même le gouvernement qui a confié à l'agence de publicité Cossette le mandat de réaliser le site et d'en faire la promotion, un coût total de 50 000 $. Ce forfait inclut l'achat des mots-clés à Google. Alors, c'est assez particulier de voir le gouvernement dépenser notre argent à des fins partisanes. On voit aussi que cette campagne montre que la mobilisation étudiante et du peuple inquiète le gouvernement extrêmement. C'est une stratégie assez douteuse pour le moins. Québec, Victoriaville, répression est un policier, chaos, VS, détresse. Alors, des vidéos, allez voir, manifestation étudiante au Québec. C'est sur ces étudiants qu'on a tiré. Victoriaville, ainsi de suite. Des arrestations de manifestants par la centaine à Détroit, Charlotte, à New York. Alors, vous voyez, c'est un peu partout. Vous avez un superbe documentaire que je vous propose ici, American Spring, alors le printemps américain, où on montre que dans le froid printemps de 2012, rien ne pouvait arrêter le mouvement Occupy Wall Street et ses activistes à New York. Ça aussi, c'est très intéressant. L'agenda des manifestants demeure le même, lutter contre l'inégalité des revenus, la corruption à travers les banques et les corporations multinationales, les reprises de finances, la brutalité policière et au-dessus de tout, le courage des hommes et des femmes ordinaires de dire la vérité à ceux qui contrôlent le pouvoir. Ceux, en fait, à qui on a laissé contrôler le pouvoir, alors que la population est en train de reprendre ce pouvoir. Donc, pendant ce temps-là, on apprend que officiellement près de 2 millions de dollars en armes, en fusils et puis en équipement de combat est vendu à des réseaux de gangs organisés aux États-Unis et dans des pays étrangers comme en Chine. Alors ça, c'est des officiels militaires qui ont confirmé ceci. Alors, c'est comme ça que, je veux dire, c'est vraiment les deux poids, deux mesures, là, tu sais, je veux dire. Ensuite, vous avez les banques de Wall Street qui secrètement construisent, sont en train de monter l'armée privée la plus importante du monde. Alors, ça semble être un article assez particulier de par son titre, mais fort intéressant, vous allez voir bien documenté. Vous avez les banques de Wall Street qui ont secrètement pris de contrôle plusieurs manufactures, en fait des manufacturiers de munitions et puis d'armes et aussi de firmes de mercenaires dans un mouvement dissimulé de monter une force militaire privée la plus importante au monde. Alors, on montre dans cet article comment que des banques de Wall Street ont utilisé des firmes d'équité privées pour acquérir et lancer, si vous voulez, des prises de contrôle de firmes de la sécurité privée et de manufacturiers d'armement américains, d'uniformes, de silencieux, de mercenaires, ainsi de suite. Alors, au même moment, vous avez des compagnies de mercenaires privés qui maintenant qu'ils contrôlent, comme Denacore. Vous avez aussi la compagnie qui ne cesse de changer nom, Blackwater, Z Services Academy, qui ont été autorisées sous le département de la Défense. En fait, la directive number 3025.18 à conduire des opérations de police, de maintien de la paix à l'intérieur des États-Unis. Alors, cet article révèle comment la Citibank, Bank of America, Barclays et la Deutsche Bank ont financé, ont fourni de très importants montants d'argent pour financer deux firmes d'équité privées de Wall Street comme Cerebus et puis Veritas Equity, qui, à leur tour, ont utilisé des compagnies parapluies comme Freedom Corps pour s'engager dans des prises de contrôle, comme je disais, de compagnies de manufacturiers d'armement comme Remington, Cubs, H&R, Marlin, Dakota, puis Bushmaker. Alors, c'est quand même assez important. Là, vous avez plusieurs liens à les consulter. Tout ceci suivant les annonces, le Homeland Security a acheté plus de 450 millions de munitions bannies par les conventions de Genève. Je veux dire, ça commence à faire en sorte qu'on commence à se demander réellement si on est en train de se préparer à quelque chose, là. Vous avez des informateurs du DHS, là, de Homeland, Department of Homeland Security, qui a déclaré que le DHS se prépare pour une guerre civile. Vous avez aussi des manuels de l'armée qui ont été rapportés, qui ont été en fait coulés dans les médias, qui ont révélé qu'on a des centres de détention de masse militaires qui sont préparés à l'intérieur des États-Unis pour une guerre contre la terreur. Alors, des articles qui sont pas très rassurants, disons, là. Ensuite, on a des articles aussi qui parlent, en fait, qui documentent aussi comment que la Maison-Blanche ont dirigé ce qu'on appelle des crackdowns, alors des descentes policières sur le mouvement Occupy Wall Street. Alors, vous avez une quantité de documents qui ont été beaucoup censurés, là, en grande partie, là, dans les documents fournis par le U.S. Department of Homeland Security en réponse d'une une requête pour le Freedom of Information Act, là, qui a été remplie par le Partnership for Civil Justice Fund et du filmmaker Michael Moore, et puis la National Lawyers Guild, qui rend de plus en plus évident qu'il y a eu une coordination nationale pour essayer de démanteler, si vous voulez, et essayer d'écraser le mouvement Occupy Wall Street. Alors, le Pentagone, le DHS, puis la Maison-Blanche qui sont derrière ces descentes policières pour essayer de détruire le mouvement Occupy Wall Street pour protéger les banques. Quand même assez particulier. Des documents de la Maison-Blanche qui montrent encore là aussi le DHS et la Maison-Blanche qui ont participé à un massif cover-up d'un réseau d'espionnage monté contre le mouvement Occupy Wall Street. Alors imaginez comment ces mouvements de société inquiètent l'élite en place. Alors pas juste aussi au Québec, partout aux États-Unis, la même affaire. La police de Minnesota s'est maintenant révélée officielle. La police est réellement là dans l'eau chaude pour avoir testé des drogues sur des manifestants d'Occupy Wall Street. Des policiers aux États-Unis qui ont utilisé le taser sur une femme enceinte 3 fois pour avoir commis une violation de la conduite routière. Imaginez. Ensuite, vous avez l'American Heart Association, l'association du cœur américaine, qui ont remis une étude scientifique revue par les pairs qui montre que ces fameux tasers, ces fameux fusils électroniques, peuvent causer des arrêts cardiaques et la mort. Il y arrive, on arrive à un point où on va bientôt reconnaître que ces trucs, ces tasers, sont des armes létales, sont aussi dangereuses. On apprend que ces décharges électriques à un point spécifique du cycle du battement de cœur peut lancer le cœur dans une fibrillation menant à un arrêt cardiaque et à la mort. Pendant ce temps-là, vous avez le DHS qui considère aux États-Unis de collecter l'ADN des enfants. Vous avez le DA, puis des marshals américains qui, en fait, le font déjà aux États-Unis. Alors ça, c'est des documents qui ont été relâchés par le U.S. Immigration and Customs Enforcement. Alors, on est en train de considérer de ramasser de l'ADN des enfants de 14 ans et plus. Alors, d'ailleurs, vous avez plusieurs écoles américaines qui maintenant utilisent les empreintes digitales des étudiants. Et puis, vous avez aussi des officiels à Los Angeles qui espèrent pouvoir mettre en place un nouveau plan permettant aux étudiants d'acheter des repas à l'école avec la simple pression d'un doigt. Et on voudrait en réalité instaurer ce système de ID, d'identification, avec les fameuses puces RFID. Et puis, vous avez une école ici, en fait, des écoles au Texas qui ont commencé à suivre leurs étudiants avec des cartes RFID, des cartes d'identification qui sont pistables à distance. Alors, on est capable de savoir en tout temps où sont ces enfants. On est capable de suivre n'importe qui comme ça à l'école, savoir partout où ils sont en temps réel. Alors, vous voyez un peu, là, ça commence à être assez délirant. Là. Un autre article ici qui parle, c'est Elizabeth Moon qui déclare que tout le monde devrait avoir un code-barre à la naissance. Donc, vous voyez, là, on s'en vient avec ça, là. Le département de la défense aux États-Unis qui cherche à avoir l'autorité légale pour déployer des réservistes dans les rues américaines. Alors, voyons, on s'en va vers ça aussi. La loi martiale, en effet, lors des sommets de l'OTAN. Alors, ça aussi, là, on en vient un peu à ça. Je vais passer assez rapidement sur ça, mais je veux dire, écoutez, vous avez deux affaires à retenir, là. Il y a eu le sommet de l'OTAN à Chicago la semaine passée, puis ça a brassé pas mal. Écoutez, on a mis en place là, réellement des mesures de guerre, là, quasiment, à Chicago. Là, je veux dire, on a quasiment déclaré la loi martiale. On a évacué des citoyens, on a arrêté des gens. Je veux dire, on a carrément là, fermé dans le downtown de Chicago, le centre-ville. On a eu des zones rouges de loi martiale qui ont été officiellement déclarées autour de Chicago. Des gens qu'on a fait disparaître sans accusation légale ou sans mandat d'arrêt. Et puis, on est allé jusqu'à faire des arrestations préventives. Alors, imaginez comment que c'est rendu débile aux États-Unis alors qu'on a arrêté 9 activistes à la maison. Alors, on a défoncé la porte de ces gens, très tard en soirée, 11h quelque, pas loin de minuit, pour arrêter ces gens-là, passer les menottes, les interroger pendant des heures. Imaginez la frayeur que cela doit inspirer lorsque vous avez des gens débarqués chez vous comme ça, armés. Part! Rouvre la porte, vous voyez ces gens-là qui vous menacent au bout d'un fusil, les armes sorties. On arrête ces gens-là qui n'ont absolument rien fait. On les a accusés de vouloir fabriquer des bombes. Et puis, on a, en réalité, saisi de l'équipement pour faire de la bière. Vous avez bien entendu. Alors, ces gens-là avaient de l'équipement pour faire de la bière, mais là, apparemment que les policiers paniquaient pas mal, puis pensaient que ces gens-là voulaient faire des cocktails Molotov, et ainsi de suite. On est rentré en pleine soirée, comme ça, fin de soirée, avec les armes sorties, braquées sur ces gens-là, arrêtés, menottés, interrogés pendant des heures. Certains ont été retenus prisonniers pendant quelques nuits, sans mandat d'arrêt, sans accusation officielle. Incroyable. Même affaire avec des policiers, on est rentré dans le tas, dans les manifestants, et puis on est même allé jusqu'à arrêter des journalistes. On a utilisé des canons de son, les LRAD. Alors, ces trucs qui peuvent causer des pertes de l'ouïe permanentes ou des dommages à l'ouïe. Des trucs absolument incroyables. 700 gardes nationales du Homeland Security qui étaient pour être déployés dans les trains de New York pendant ce temps-là. Les drones de surveillance autour de Chicago. Alors, on utilisait à peu près tout. Vous avez une compagnie israélienne qui a reçu la permission de la FAA aux États-Unis de voler, d'opérer des drones dans l'espace aérien américain. Vous avez bien entendu la compagnie israélienne Stark Aerospace of Mississippi, qui est une compagnie israélienne, une branche de la Israel Aerospace Industries, et qui a reçu de la Federal Aviation Administration, l'administration d'aviation fédérale, a reçu la permission d'opérer ces drones dans le ciel américain. Assez particulier. Pendant ce temps-là, ben, vous avez Obama qui, lui, a appointé son premier tsar de l'assassination. Alors, vous avez un gros blackout des news par rapport à ça. Vous avez Obama qui a désigné John Brennan comme la seule personne en charge des personnes qui sont désignées à être assassinées. Alors, vous savez que Obama s'est donné le droit de faire ça. Alors, voyez là, le dérapage total. Alors, ça, c'était le premier point, là, le premier dérapage. Si vous voulez, le dérapage état-policier, surveillance, terreur aux États-Unis lors de ce sommet de l'OTAN, alors que le FBI a déclaré qu'il n'y avait aucune indication qu'il y avait une menace terroriste à Chicago lors du sommet de l'OTAN. Mais en réalité, le deuxième point aussi, et puis d'ailleurs, je dois féliciter ces fameux combattants vétérans de la guerre en Irak et en Afghanistan qui sont revenus, qui avaient reçu des médailles de l'OTAN, qui les ont remis lors de ce sommet de l'OTAN. Alors, des gens extrêmement intègres et courageux. Il faut tout le temps saluer et encourager ce type de personnes. Mais le deuxième point que je voulais apporter, c'était que justement, lors de ce sommet de l'OTAN, eh bien, il était débattu différentes questions, dont celle, évidemment, de l'Afghanistan. Et puis, si vous voulez, la portée de l'OTAN dans le monde. Alors, on est en train de projeter le pouvoir de l'OTAN sur la planète entière et puis d'en faire un corps policier militaire au service de l'élite. OK? C'est de ce gouvernement mondial. Alors, vous avez l'OTAN qui est vulgairement en train de devenir le bras armé de cette gouvernance mondiale, de ces banquiers internationaux avec leur corps de corporation multinationale. On est en train de se mettre en place, justement, pour mettre les pions sur le grand échiquier mondial, pour pouvoir contrôler ce fameux monde. Des journalistes qui ont subi des raids par la police, avec les fusils levés contre eux. Ça, c'est la situation maintenant aux États-Unis. Alors, l'OTAN qui est en train de se positionner en Asie centrale contre la Russie, contre la Chine. Alors, ça aussi, là, vous voyez que ça va être la prochaine poussée de l'OTAN. Alors, on va s'installer grosso modo autour de l'Asie pour essayer de confronter tôt ou tard la Russie et la Chine. Vous avez l'OTAN qui a activé son bouclier missile malgré la colère russe, son bouclier de contre-antimissile en Europe. Alors évidemment que la Russie est très énervée à cause de ça. Et puis, ben là, vous avez aussi différents articles qui parlent un peu de justement ces doubles standards, comme on parlait un peu plus tôt avec la Syrie et ainsi de suite. T'sais. Vous avez la reine Elisabeth II qui a célébré la coronation du jubilé avec des despotes du Golfe et ses dictateurs. Alors, on veut pointer du doigt les Kadhafi et les Assad. Mais pendant ce temps-là, vous avez des gens comme la reine Elisabeth II qui a reçu au château de Windsor pour célébrer ses 60 ans à la tête de l'État britannique. Quelques-uns des pires dictateurs du monde. Alors, vous aviez au banquet différents rois, des émirs et des sultans du Golfe Persique et différentes monarchies comme celles en place en Arabie Saoudite, au Koweït, au Bahreïn, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis et au Oman. Des gens qui... des monarchies avec à leur tête des chefs absolus qui président sur leur sujet avec un pouvoir sans pitié. Des dictateurs qui mènent dans ces pays riches en pétrole, qui ne reculent devant rien, si vous voulez, pour écraser la dissension politique, mais qui sont nos bons copains parce que, stratégiquement, on a besoin de leurs ressources. Comprenez? Plusieurs articles comme ça qui parlent de justement ces deux poids, deux mesures. La cible en Iran, l'Amérique et les États-Unis qui officiellement lancent le culte terroriste de la Mecque. Alors, d'autres articles ici qui confirment que vous avez de ces groupes terroristes qui sont entraînés et armés par le Mossad et la CIA, des groupes iraniens de dissidents violents qui sont appelés The People's Mujahideen of Iran, alors la Mecque. Puis en retour, la Mecque donne à Israël de l'information, et ainsi de suite. Alors, vous voyez comment ces canaux fonctionnent. Plusieurs articles ici maintenant qui vous parlent du cas de l'Iran. Alors, l'ambassadeur américain Daniel Shapiro a déclaré dans une conférence à Tel Aviv que les États-Unis avaient complété des préparations pour une attaque militaire contre l'Iran. Ces commentaires ont été enregistrés par un reporter et transmis par le Channel 2 en Israël. Alors, voyez, on est en train de se préparer. Panetta, lui, le secrétaire de la Défense, Leon Panetta, a déclaré que le président a l'autorité de passer par-dessus le Congrès son pouvoir exclusif de déclarer la guerre si des intérêts vitaux étaient en jeu. Alors, voyez, ces gens-là se mettent au-dessus de la loi, au-dessus de la Constitution. Apparemment que dans l'esprit de Panetta, la Constitution, le Bill of Rights aux États-Unis, et puis le règne de la loi n'existe plus. Pendant ce temps-là, on apprend deux articles fort intéressants que les États-Unis ont dépensé évidemment des fortunes dans ces guerres. Alors écoutez, les États-Unis qui... ici, on dit dépense 1 milliard de dollars chaque jour depuis 2001 dans des guerres illégales d'agression. Énormément d'argent. Vous avez des études indépendantes et professionnelles revues par les pairs qui concluent que les grands meurtriers de masse, les meurtriers de guerre, les criminels de guerre américains, directs et indirects, tuent plus de 500 personnes par jour depuis 2001 aussi. OK, ces fameuses guerres d'agression pour libérer les gens, hein, ces fameuses supposées guerres humanitaires contre la terreur, blablabla, il y a 500 personnes par jour en moyenne qui perdent la vie depuis 2001 grâce à ces fameuses interventions. OK? Écoutez, juste vous donner une idée, là. Ça vous donne un peu, tu sais, pour comparer, là. Sur la Deuxième Guerre mondiale, on avait 1000 à 1500 personnes qui mouraient par jour. Pour un total de 20 à 30 millions total. Donc, c'est énormément d'argent. Les États-Unis ont dépensé, en fait, les coûts de ces fameuses guerres au Moyen-Orient. On parle de 4 à 6 trillions de dollars dans les coûts à long terme pour ces guerres depuis 2001. Avec de tous les jours, là, tous les jours, quotidienne de 1 milliard à 1,6 milliard de coûts pour ces fameuses guerres. Donc, on parle de plus ou moins 15 milliards de dollars par mois. Et puis, là, écoutez, évidemment, que ça va toucher l'économie de plus en plus. Ça va rattraper de plus en plus la réalité des gens aux États-Unis. Les États-Unis qui ont dépensé jusqu'à date 642 milliards de dollars sur la guerre afghane, incluant presque 200 milliards juste pour cette année et l'année prochaine. C'est, vous voyez les quantités d'argent faramineuses. Évidemment que ces guerres-là rapportent à les seigneurs de la drogue qui contrôlent la drogue en Afghanistan, des banques corporatives qui lavent l'argent de ses profits et aussi les énormes contracteurs de la défense qui fournissent des mercenaires, du matériel et puis la logistique pour le gouvernement américain. Le gouvernement américain finalement confirme une campagne au sol au Yémen. Alors, le gouvernement américain a maintenant admis qu'il y avait des troupes américaines au Yémen, qu'ils étaient exclusivement sur des missions d'entraînement. Ici, on a confirmé qu'environ 20 forces spéciales américaines étaient sur le sol et étaient engagées dans des campagnes de contre-terrorisme. On dit que c'est pour seulement des missions d'entraînement, mais vous savez, le Vietnam a commencé comme ça, hein? Des conseillers, des forces spéciales. Alors, on est sur le sol yéménite, et puis on mène une guerre secrète, une guerre non déclarée, mais c'est une guerre néanmoins. On est en train de mener une guerre, hein, au Yémen, mais on n'en parle pas dans les médias, on fait l'hypocrite. Alors, les Américains qui ont envoyé des troupes au Yémen pour, supposément, de l'entraînement, alors qu'on est en train de supporter, encore là, un gouvernement qui pratique des mesures extrêmement violentes contre son peuple, qui voudrait s'émanciper. Alors, voilà un exemple, encore là, de les doubles standards, les deux poids, deux mesures. Alors, on voudrait faire tomber Assad, mais on supporte la dictature au Yémen puis au Bahreïn, où on continue d'acheminer des armes, et ainsi de suite. Vous voyez? Vous avez Obama qui a utilisé l'Al-Qaïda, qui est financé par la CIA, pour des attaques à l'intérieur du Yémen, et a déclaré une urgence nationale. Alors, Obama qui a déclaré l'état d'urgence avec un autre ordre exécutif. Alors, on est en train de réellement, là, vous voyez, là, encadrer cette guerre-là au Yémen. C'est quelque chose. Il y a beaucoup de photos qui ressortent aussi du front de la guerre, même des soldats qui, à un moment donné, voient la vérité en pleine face et puis publient des photos de trucs qu'ils voient. Et puis là, ben, vous avez l'armée américaine qui commence à être pas mal embarrassée de ces images-là qui continuent de sortir continuellement, qui montrent des actes de torture, ainsi de suite, des exactions. Alors, on va essayer d'arrêter le flot de ces photos embarrassantes en bannissant toute la photographie de l'armée. Alors, on va arrêter le problème à la source au lieu de régler, en fait, au lieu d'arrêter de torturer et de commettre des exactions. Ben, on va tout simplement arrêter les photos qui documentent ces faits-là. Eh oui. Donc, c'est comme ça. Hein? C'est pas beau, ça. Pendant ce temps-là, vous avez Israël qui va déployer 20 000 commandos au Cyprus grec. Alors, on est là pour, en fait, protéger des ressources, des guerres d'énergie, des sources de pétrole. Ensuite, vous avez toute la situation aussi avec les Philippines et la Chine. Alors, dans la mer de la Chine, en fait, de la mer du sud de la Chine, là, vous avez ce conflit-là encore là avec des ressources pétrolières. Et puis, vous avez les États-Unis puis les Philippines d'un bord avec la Chine de l'autre côté. Alors, évidemment que ça regarde pas très bien. Puis, vous avez d'autres articles aussi qui parlent de l'Africom avec ses premières brigades régionales qui vont être déployées. Ils vont commencer des opérations. Alors, on est en train de déployer la force militaire. Ils vont contrôler le continent africain. C'est absolument fantastique, la US Africa Command. Alors, on va tester un nouveau modèle de rotation qui vont supposément donner aux commandants des réserves de soldats disponibles pour des missions rapides en Afrique. Ensuite, on est en train de préparer peut-être le renversement de l'Arabie Saoudite. Alors, vous avez supposément le leader de l'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, qui a poussé les gens d'Arabie Saoudite à suivre l'exemple fait par les révolutions populaires, supposément en Égypte, en Libye et en Tunisie. Alors, ça a l'air que l'Arabie Saoudite pourrait être la prochaine sur la liste du renversement des régimes par Israël et les États-Unis. Ah ouais, alors c'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, plusieurs articles là, où on parle d'Israël qui se prépare à une attaque contre l'Iran. Alors, Israël qui va demander des affaires impossibles à l'Iran. Donc, on va, de toute façon, c'est la tactique israélienne usuelle, là, c'est-à-dire on présente des demandes qui sont complètement farfelues, et puis évidemment qu'on va se buter à un refus, et puis là, après ça, on blâme la personne d'être intransigeante, et puis après ça, on justifie l'agression militaire. Alors, c'est à peu près ça. Vous avez l'Iran qui s'est mis d'accord pour des inspections de toute leur installation, des visites surprises de l'Agence de l'énergie atomique internationale. Et puis là, vous avez Israël et les États-Unis qui ont refusé ça. Donc, vous voyez là, même si l'Iran ferait tous les efforts nécessaires pour prouver au reste du monde qu'ils n'ont pas de programme nucléaire militaire, on va tout faire pour se fermer les yeux, refuser toute entente, refuser toute solution. On veut la guerre, on veut la violence, on veut rentrer en Iran militairement. Donc, vous voyez qui cherche la guerre et puis qui cherche la paix, n'est-ce pas? C'est un professeur israélien, « We could destroy all European capitals », alors on pourrait détruire toutes les capitales européennes. Un professeur historien en Israël qui déclare ceci, alors qu'on dit que l'Iran serait le danger pour la paix mondiale, ouais, j'imagine. Ensuite, vous avez des ministres britanniques qui cherchent aussi à façonner une réponse éventuelle à une attaque israélienne contre l'Iran. Alors, on est en train de se préparer à ceci. Donc, voilà. Plusieurs articles assez chocs ici à l'intérieur de l'Israël aussi. Là, des attaques israéliennes mortelles, des vidéos sur des Palestiniens qui dormaient en prison. Vous avez des réseaux de prostitution israéliens massifs. Des gens qui sont entrés en prison pour 18 ans. écoutez, des très imposants réseaux de prostitution, d'autres réseaux de trafic d'organes israéliens qui ont été arrêtés, 10 citoyens israéliens qui ont été arrêtés pour avoir été membres d'une gang de trafic d'organes. Ensuite, un rabbin déclare que les non-juifs sont des voleurs sans cerveau. Il dit, il y a 8 milliards de personnes dans le monde et qu'est-ce qu'ils sont? Des tueurs, des voleurs, des gens sans cerveau. Eh ouais, voilà. Alors voilà un peu la mentalité de ces gens-là. On a peur des antisémites, mais qu'est-ce qu'ils diraient? Qui a peur et puis qui note ces discours haineux, anti-non-juifs? Anti-gentil. Un officiel américain, vous avez l'assistant au secrétaire général de l'ONU pour les affaires humanitaires, Catherine Bragg, qui a déclaré que les pratiques israéliennes causent une importante souffrance humaine en parlant des Palestiniens qui sont sous occupation. Des gens qui sont rendus sans maison, sans abri après la démolition de leur maison. On parle aussi de ces politiques et de ces lois qui déprivent des Palestiniens de leur droit de se supporter eux-mêmes, là, tu sais, de produire une subsistance pour vivre. Alors, 56 Palestiniens qui ont vu leur maison être jetée à terre cette année. Alors, on détruit des maisons des gens. Imaginez, c'est assez particulier, là. Une cour israélienne qui a rendu un jugement déclarant que la citoyenneté israélienne doit être basée sur la descendance juive et non la religion ou le lieu de naissance. On dit que 20% de la population israélienne pourrait être affectée par ce jugement en cours à Haïfa, dans lequel un juge a ordonné que seulement les juifs devrait être permis d'avoir la citoyenneté israélienne. Et les non-juifs, même ceux qui sont nés et élevés dans ce qui est maintenant Israël, ne devraient pas être permis de recevoir la citoyenneté israélienne. Aïe aïe. Non, c'est pas qu'ils sont racistes ou quoi que ce soit comme ça. Puis vous êtes des antisémites si vous dites ça, là. Hein? Arrêtez, là. Ces gens-là, là, c'est ça. Ben non, ils sont pas racistes pantoute. Pendant ce temps-là, un autre article de RT, si on apprend que l'armée israélienne a tenu des groupes d'entraînement paramilitaire, des groupes de juifs dans les bois de New York. Wow, c'est particulier. Ministre israélien, on va couper l'électricité à Gaza cet été. Oh wow, OK. Ensuite, on dit qu'on veut couper le pétrole à la bande de Gaza. Ah ben, regardons ça, toi. Ah ben, regardons ça, toi. C'est spécial comme comportement. Mais on est antisémite si on les rapporte. Hein? On ne devrait pas rapporter ces choses-là parce que c'est évidemment antisémite. Un comité des Nations Unies, dans une session de 2012, conclut que le système israélien est en fait une forme d'apartheid. Alors, c'est le comité sur l'élimination de la discrimination raciale qui a tenu sa 80e session, dans laquelle on a évalué que ce qui se passe en Palestine est réellement un état d'apartheid. Donc, voilà, c'est plusieurs nouvelles concernant cette situation-là. Israël, les États-Unis qui s'assurent d'avoir leur homme élu en Égypte dans ce qu'on a appelé les premières élections de l'Égypte. Ensuite, on a des attaques sur les soldats égyptiens au Sinaï. Évidemment qu'on cherche à contrôler les pipelines de pétrole. Vous savez, l'Égypte a coupé le pétrole à l'Israël. C'est quelque chose, réellement, là. Alors, plusieurs articles en Syrie à aller voir. J'en avais parlé dès le début. Donc, ça, je vais vous laisser découvrir ça pour vous-même. Et puis là, ben, on va faire une dernière petite pause. Et puis après ça, on va parler d'économie. Puis on va terminer l'émission sur ça. voilà, on va terminer avec à peu près une dizaine de minutes là, dans l'économie. On va essayer d'en passer le plus qu'on peut. Écoutez, ça bouge énormément. On va y aller un peu là au hasard comme ça avec les nouvelles là, qui arrivent. Alors, vous voyez, le thème central, c'est toujours le fait qu'on va vivre la deuxième vague, en fait, un vrai tsunami de 2008, là, ce fameux crash financier mondial qu'on a vécu. Rien n'a été réglé de ce crash-là. Aucun banquier, aucun financier, absolument rien n'a été fait pour arrêter les criminels, pour arrêter ceux qui ont été responsables de ce crash. Et absolument rien n'a été réglé non plus dans l'économie pour faire en sorte que ceci soit réglé. Alors, puisque rien n'a été réglé, le problème continue de s'accumuler, puis il va finir par nous exploser en plein visage. Et puis, c'est durant 2012, en tout cas durant les prochains mois, qu'on risque d'en avoir les effets les plus spectaculaires. Vous avez Hewlett-Packard, HP, qui va mettre à la porte plus de 27 000 travailleurs dans une restructuration. C'est plus de 8 % de sa force de travail qui va être mise à pied. Ensuite, vous avez la grande banque de JP Morgan aux États-Unis qui a subi des pertes qui pourraient atteindre plus de 7 milliards de dollars la semaine passée avec les pertes dans ses échanges en fait sur les marchés financiers à Londres. Alors, vous avez évidemment tout ce marché des produits dérivés qui est une méga bulle financière de plusieurs trillions de dollars qui menace de s'effondrer une deuxième fois. Et c'est effectivement dans ces marchés-là qu'on voit les banques accumuler des pertes aussi colossales. Ensuite, vous avez un article ici qui parle de l'Union européenne qui ne vont pas laisser la Grèce s'échapper sur ses talons. Alors, on parle évidemment beaucoup de la sortie de la Grèce de la zone financière européenne. Ça aussi, c'est une situation qu'on va suivre de proche dans les prochaines semaines. Vous avez Facebook qui va faire le fait d'une enquête après avoir perdu plus de 40 milliards de dollars. Vous avez eu Facebook qui a été mis sur le marché boursier et qui a vu son titre chuter incroyablement dans sa valeur, alors qu'on a détecté déjà des fraudes possibles là-dedans. Vous avez d'ailleurs le propriétaire Zuckerberg qui a caché, a encaissé son argent très rapidement lors de la mise sur le marché des actions de Facebook. Alors, il s'est passé quelque chose là-dedans, c'est absolument certain. On a essayé en tout cas de prendre plusieurs actionnaires et rire d'eux autres et de voir leur argent est dilapidé rapidement. Donc, d'autres fraudes aussi. 500 millions d'onces de papier, de certificats d'argent qui ont été largués sur les marchés du COMEX en une heure. Alors ça s'est déroulé, ça s'est déroulé le 29 février. Et puis là, on en rapporte les informations par rapport à ça. Écoutez, là, probablement le sommet de la manipulation. Là, quand je vous dis qu'il y a de la manipulation dans les marchés des métaux précieux, là, c'est assez incroyable. Vous avez des chartes de NetDania qui montrent que dans une heure, on a 105 231 contrats d'argent qui ont été largués sur les marchés entre 9h et 10h AM, heure de l'Est. Et vous avez les prix de l'argent qui ont chuté de 28 à 27 $. Alors, pour mettre ces chiffres en perspective, 105 231 contrats, c'est à peu près l'équivalent de 500 millions d'onces d'argent, ce qui est environ les deux tiers de toute la production d'argent annuelle mondiale qui s'est échangée dans une simple heure. Alors, ça, c'est assez particulier. Vous voyez les fraudes financières massives pour essayer d'empêcher la panique quand on voit l'euro et le dollar américain chuter rapidement, vous voyez les métaux précieux augmenter rapidement, évidemment que les gens surveillent ça comme étant un indice de panique. Hein, les gens perdent la confiance entre le système financier. Alors, pour essayer de rassurer les gens et puis d'éviter des paniques, vous savez, on a vendu de 50 à 100 fois plus d'argent et puis d'or qui n'en existe réellement dans les marchés des produits dérivés. C'est ça le grand problème des marchés des produits dérivés, c'est qu'on vend des affaires, on achète des affaires qui n'existent même pas. Ça, c'est des spéculateurs qui vendent, par exemple, des lots de maïs qui n'ont même pas encore été semés. Okay? Des récoltes qui vont être semées dans des mois. Des choses qui n'existent même pas. C'est comme le pétrole, quand vous voyez augmenter le pétrole, vous avez la majeure partie des titres du pétrole qui ne représentent absolument rien. Là, on échange des titres de pétrole qui ne représentent même pas du pétrole, là, qui n'a jamais été extrait ou quoi que ce soit. On échange ça, et puis ça affecte le prix de ces métaux, de ces pétroles, de ces denrées alimentaires, et ainsi de suite, par des spéculateurs qui échangent des affaires qui n'existent pas du tout, mais qui font augmenter le prix à la consommation bien réel pour les gens qui les consomment. Donc, on continue. C'est pas juste ici au Québec que ça bouge au niveau des manifestations. C'est partout que ça se passe. En Espagne, d'ailleurs, vous avez des millions de gens qui ont manifesté contre les coupures dans le financement à l'éducation. Alors, vous voyez... C'est pas juste ici que ça se passe, c'est vraiment partout. C'est un mouvement mondial. Oui, c'est cette élite mondiale qui cherche à instaurer leur gouvernance mondiale et puis qui arrive avec leur standard qui devrait être établi pour tout le reste de l'humanité, sauf eux. Alors, vous voyez. Alors, plusieurs articles qui parlent de ça. JP Morgan et puis conflit d'intérêts avec Jamie Dimon, qui est le CEO, directeur de JP Morgan, et puis le Fed Board Member. Alors, c'est quoi qui se passe avec ça? C'est qu'il se trouve que Jamie Dimon, qui est le CEO de JP Morgan Chase & Company, sert aussi comme membre sur le board de direction de la Federal Reserve Bank, la Fed aux États-Unis. Alors, quand on vous dit que la Banque centrale aux États-Unis est contrôlée par les banquiers privés, ben, on voit là encore un autre preuve. OK? Alors, ces gens-là, ils siègent sur des banques privées et siègent aussi sur la Banque centrale des États-Unis. Venez me dire qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts absolument inacceptable ici. Voyons donc, là. OK? Dimon, d'ailleurs, a reçu son siège sur la Fed en 2007. Il a profité de cette position durant toute la crise financière. Et puis, cette crise financière qui a été causée par des mégabanques comme JP Morgan à travers leur comportement irresponsable sur le marché global des échanges commerciaux, des stock markets. OK? Donc, des problèmes de conflits d'intérêts très graves. Quand on dit que le gouvernement américain est contrôlé par Wall Street, là, c'est exactement ça. Puis Wall Street est contrôlé par, évidemment, les banquiers privés ainsi que la Banque centrale. Ensuite, vous avez une offre d'aide bancaire, des banques centrales pour essayer de relever les banques grecques. OK? Donc, on veut apporter environ 100 milliards d'euros de liquidité pour la Banque centrale de la Grèce, approuvée secrètement par la Banque centrale européenne à Francfort. Et puis, on est en train d'essayer encore là de se faire accroire qu'on va être capable d'arranger, de solutionner un problème de dette avec plus de dette. Hein? Donc, si vous voulez résoudre ce problème de dette, ben, il faut la dissoudre, cette dette. Il faut l'annuler parce que à un moment donné, quand tu fonctionnes dans un système qui est basé sur la dette, un système financier, un système monétaire, dans lequel dès qu'il rentre en fonction, il y a plus de dettes qui existent qu'il n'existe d'argent. Eh bien, c'est évident que c'est un système qui va tout le temps finir par s'écrouler inévitablement. Donc, il est temps qu'on arrête justement ce système monétaire contrôlé par les banquiers centraux privés. Et s'il faut que ça finisse à la guillotine ou avec la corde au cou, ben si soit-il. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir que l'appauvrissement de la planète au complet, la mise à terre de des pays en entier, écoutez, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, les États-Unis, l'Angleterre, on est en train d'y passer, là. Donc, plusieurs nouvelles comme ça qui vous font réaliser que ce système financier est complètement corrompu et fini. Vous avez des photographies ici du début du 20e siècle où on voit des travailleurs américains, des enfants américains qui étaient au travail. Alors, voici ce que les money junkies, les drogués de l'argent veulent créer pour vos enfants. Alors, c'est ça qu'ils veulent. Une population qui est tellement pauvre que les enfants même doivent travailler. Pendant ce temps-là, une première depuis l'histoire de toutes les États-Unis ont laissé la Chine bypasser Wall Street pour les ordres du Trésor, pour acheter les bons du Trésor, pour acheter la dette du gouvernement américain. Alors, la Chine peut maintenant bypasser Wall Street lorsqu'ils achètent la dette du gouvernement américain et aller directement au Trésor américain, ce qui est pour le Trésor la première relation directe avec un gouvernement étranger, selon les documents rapportés par Reuters. Ça veut dire que la People's Bank of China, la banque du peuple, c'est comme ça qu'ils l'appellent, là, chinoise, peut acheter la dette américaine utilisant différentes méthodes autres que les autres banques centrales dans le monde. Alors, il semble que Geithner est en train de penser que cela va rendre plus facile pour la Chine d'acheter plus de dettes américaines. Et que les Chinois vont commencer à acheter plus de dettes américaines. Mais je pense que Geithner est en train de rêver. Donc, les Chinois qui sont en train d'acheter les États-Unis tranquillement, là, des compagnies chinoises ici qui ont acheté AMC Entertainment, une importante firme, en fait, a dépensé 2,6 milliards de dollars. Ça va créer le plus important opérateur de films du monde. Alors, voyez la Chine qui va aussi acheter des cargos de matériel premier. Alors, on parle ici de métal, ainsi de suite, de charbon. Alors, voyez que la Chine est en train d'acheter énormément de matériaux, de matières premières. Pendant ce temps-là, l'Indonésie impose une taxe d'exportation de 20% sur l'or, l'argent et le platine. Alors, vous allez avoir après ça une interdiction d'exportation commençant en 2014. Alors, l'Indonésie qui apparaît ne plus vouloir échanger des commodités physiques et puis de l'argent pour des dollars américains. Toutes des petits indices qui vous montrent qu'à un moment donné, là, il est en train de se passer quelque chose d'assez important. Puis, on va terminer avec deux autres articles. Un article, c'est avec des chartes sur les consommations de pétrole à travers le monde. Intéressant à consulter. Et puis, Bill Murphy de la GATA, qui est la Gold Antitrust Action Committee, qui parle encore de ces manipulations. Et puis, de la CFTC qui pourrait être forcée de faire quelque chose à propos de, justement, cette survente de 50 à 100 fois plus de métaux précieux qu'il n'en existe dans les marchés de l'or et de l'argent. Vous avez la HSBC avec ses branches grecques qui se préparent au drachma, alors au retour de la monnaie grecque. Et puis vous avez l'Espagne qui a nationalisé Bankia, qui se prépare pour un second plan de sauvetage. Vous avez la crise européenne qui fait escalade. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine, chers auditeurs. On va continuer avec plus de nouvelles la semaine prochaine. Alors, d'ici là, moi, je vous quitte. On se retrouve au mois de juin. C'était François Marginal pour L'Autre Monde. Ciao tout le monde.